Dès l'aurore, Jeanne était debout. Elle attendit son père, plus lent à s'habiller, et ils se mirent à marcher dans la rosée, traversant d'abord la plaine, puis le bois, tout vibrant des chants d'oiseaux. Le vicomte et le père Lastic étaient assis sur un cabestan. Deux autres marins aidèrent au départ. Les hommes, appuyant leurs épaules au bordage, poussaient de toutes leurs forces. On avançait avec peine sur la plateforme de galets. Lastic glissait sous la quille des rouleaux de bois graissés, puis, reprenant sa place, modulait d'une voix traînante son interminable « Ohé hop !» qui devait régler l'effort commun. Mais, lorsqu'on parvint à la pente, le canot tout d'un coup partit, dévala sur les cailloux ronds avec un grand bruit de toile déchirée. Il s'arrêta net à l'écume des petites vagues et tout le monde plut prasse sur les bancs. Puis, les deux matelots, restés à terre, le mirent à flot. Une brise, légère et continue, venant du large, effleurait et ridait la surface de l'eau. La voile fut hissée, s'arrondit un peu, et la barque s'en alla paisiblement, à peine bercée par la mer. On s'éloigna d'abord. Vers l'horizon, le ciel se baissant, se mêlait à l'océan. Vers la terre, la haute falaise droite faisait une grande ombre à son pied, et des pentes de gazon, pleines de soleil, l'échancraient par endroits. Là-bas, en arrière, des voiles brunes sortaient de la jetée blanche de Fécamp, et là-bas, en avant, une roche, d'une forme étrange, arrondie et percée à jour, avait à peu près la figure d'un éléphant énorme enfonçant sa trompe dans les flots. C'était la petite porte d'Étretat. Jeanne, tenant le bordage d'une main, un peu étourdie par le bercement des vagues, regardait au loin. Et il lui semblait que trois seules choses étaient vraiment belles dans la création. La lumière, l'espace et l'eau. Personne ne parlait. Le père Lastic, qui tenait la barre et l'écoute, buvait un coup de temps en temps à même une bouteille cachée sous son banc. Et il fumait, sans repos, son moignon de pipe qui semblait inextinguible. Il en sortait toujours un mince filet de fumée bleue, tandis qu'un autre tout pareil s'échappait du coin de sa bouche. Et on ne voyait jamais le matelot rallumer le fourneau de terre plus noir que l'ébène ou le remplir de tabac. Quelquefois, il le prenait d'une main, l'ôtait de ses lèvres, et du même coin d'où sortait la fumée, lançait à la mer un long jet de salive brune. Le baron, assis à l'avant, surveillait la voile, tenant la place d'un homme. Jeanne et le vicomte se trouvaient côte à côte, un peu troublés tous les deux. Une force inconnue faisait se rencontrer leurs yeux qu'ils levaient au même moment, comme si une affinité les eût avertis. Car entre eux flottait déjà cette subtile et vague tendresse qui naît si vite entre deux jeunes gens lorsque le garçon n'est pas laid et que la fille est jolie. Ils se sentaient heureux l'un près de l'autre, peut-être parce qu'ils pensaient l'un à l'autre. Le soleil montait comme pour considérer de plus haut la vaste mer étendue sous lui. Mais elle eut comme une coquetterie et s'enveloppa d'une brume légère qui la voilait à ses rayons. C'était un brouillard transparent, très bas, doré, qui ne cachait rien, mais rendait le lointain plus doux. L'astre dardait ses flammes, faisait fondre cette nuée brillante, et lorsqu'il fut dans toute sa force, la buée s'évapora, disparut, et la mer, lisse comme une glace, se mit à miroiter dans la lumière. Jeanne, tout émue, murmura « Comme c'est beau !» Le vicomte répondit « Oh oui, c'est beau !» La clarté sereine de cette matinée faisait s'éveiller comme un écho dans leur cœur. Et soudain, on découvrit les grandes arcades d'Étretat, pareilles à deux jambes de la falaise, marchant dans la mer, hautes à servir d'arche à des navires, tandis qu'une aiguille de roche blanche pointue se dressait devant la première. On aborda, et pendant que le baron, descendu le premier, retenait la barque au rivage en tirant sur une corde, le vicomte prit dans ses bras Jeanne pour la déposer à terre sans qu'elle se mouillât les pieds. Puis ils montèrent la dure banque de galets, côte à côte, émus tous deux de ce rapide enlacement, et ils entendirent tout à coup le père Lastic disant au baron « Mais t'as vu que ça ferait un joli couple tout de même !»